Ta confiance faut me donner. Tellement de choses à t'apporter. Ta vie je vais piloter. T'inquiète, je vais me comporter. Ta confiance faut me donner. Tellement de choses à t'apporter. Ta vie je vais piloter. T'inquiète, je vais me comporter. Baby, on ira là. La route est longue, j'ai le cardio. Suis-moi, donne-moi la mano. Suis-moi, donne-moi la mano. Baby, on ira là. La route est longue, j'ai le cardio. Suis-moi, donne-moi la mano. Suis-moi, donne-moi la mano. Laisse-moi te dire que je me sens prêt. J'ai plus de doute, j'suis décidé. J'ai pris des coups, j'ai ce que ça vaut. Apprends-moi de connaître l'amour fou. T'es si joli, nous t'es unis. C'est la folie, malheur j'oublie. J't'ai dévoilé tout ce que j'cachais. J'ai dans ma tête une connerie, j'arrête. Hello, j't'ai trouvé sans même te chercher. C'est Dieu qui t'envoie. Hello, j'pensais même pas plaire. Tu m'as dit de me taire, j'suis à toi. Hello, que tu vois chez moi, que t'as vu chez toi, dis-moi. Hello, je crois bien c'est Dieu qui t'envoie. Ta confiance faut me donner. Tellement de choses à t'apporter. Ta vie je vais piloter. T'inquiète, je vais me comporter. Ta confiance faut me donner. Tellement de choses à t'apporter. Ta vie je vais piloter. T'inquiète, je vais me comporter. Baby, on ira là. La route est longue, j'ai le cardio. Suis-moi, donne-moi la mano. Suis-moi, donne-moi la mano. Baby, on ira là. La route est longue, j'ai le cardio. Suis-moi, donne-moi la mano. Suis-moi, donne-moi la mano. J'te relève, baby, j'te relève. Te laisserai pas par terre, j'te relève. Je suis des larmes, je les laisse pas couler. Tes peines de cœur sont terminées. Quand je te vois, je me dis que j'ai tout gagné. Pour ton bonheur, je vais tout essayer. Faudra m'écouter, je suis ton conseiller. J'ai les bons mots pour te consoler. On ira loin d'ici, on parlera pas du passé. Les erreurs qu'on a commis ensemble, on va corriger. Personne n'est parfait. Le meilleur pour nous, c'est ce que je vise. Le but, je vais toucher. Chaque jour avec toi, Dieu merci, baby. Je vais profiter. Ta confiance faut me donner. Tellement de choses à t'apporter. Ta vie, je vais piloter. T'inquiète, je vais me comporter. Ta confiance faut me donner. Tellement de choses à t'apporter. Ta vie, je vais piloter. T'inquiète, je vais me comporter. Baby, on ira là. La route est longue, j'ai le cardio. Suis-moi, donne-moi la mano. Suis-moi, donne-moi la mano. Baby, on ira là. La route est longue, j'ai le cardio. Suis-moi, donne-moi la mano. Suis-moi, donne-moi la mano.